Chapitre 21. Nouvelles découvertes à l'Occident. Heureuse expédition de Fritz. Les dents de veau marins. La baie des perles. La loutre de mer. L'albatros. Retour à Felsenheim. Si les années avaient développé les forces morales et physiques de mes enfants, elles avaient fait naître aussi dans leurs jeunes esprits des sentiments d'indépendance qui n'étaient pas toujours d'accord avec ma sollicitude paternelle. Souvent, je passais des jours entiers sans avoir de nouvelles des deux aînés, car Ernest lui-même sortait de son indolence habituelle toutes les fois que sa soif de savoir était puissamment excitée. Et lorsque j'avais préparé quelques graves sermons pour le retour de mes jeunes aventuriers, il revenait avec de si intéressantes découvertes ou de si utiles observations que je n'avais pas le courage de les gronder. Un jour que Fritz avait disparu et que l'absence de son kayak révélait assez le chemin qu'il avait pris, nous montâmes au corps de garde pour épier son retour. Après quelques instants d'attente, j'aperçus au loin un point noir qui se balançait sur le sommet des vagues et bientôt ma lunette nous permit de distinguer le pêcheur et son canot qui se dirigeait lentement vers le rivage de Felsenheim. Nous saluâmes son arrivée d'un coup de canon, et à peine était-il débarqué que je pus m'expliquer facilement la lenteur de sa marche. L'avant du canot était chargé d'un énorme paquet, et à l'arrière flottait un sac pesant qui n'accélérait pas la course de l'esquif. « Dieu soit loué !» m'écriai-je du plus loin que je l'aperçus. « Te voici de retour, sain et sauf, avec un riche butin à ce que j'aperçois. » « Oui, Dieu soit loué, » me répondit-il, « car j'ai fait un bon voyage et je rapporte de bonnes nouvelles. » Aussitôt que le kayak eut touché le sable, il fut enlevé avec son équipage par nos trois vigoureux athlètes et rapporté en triomphe à Felsenheim. Nous nous assîmes en silence, attendant avec curiosité le récit de Fritz, qui commença bientôt en ces termes. « Je prierai d'abord mon père de me pardonner si je suis parti sans sa permission, mais la mer était si calme que je n'ai pu résister au désir de tenter une petite excursion. Réfléchissant que la partie occidentale de ces contrées nous était restée inconnue jusqu'à ce jour, j'avais résolu d'y tenter un voyage de découverte, et je tins mon projet secret, craignant de rencontrer de l'opposition de votre part. Depuis longtemps, tous mes préparatifs étaient faits, et je n'attendais plus qu'une occasion favorable. La belle journée d'aujourd'hui m'ayant offert un attrait irrésistible, je me glissai hors de la maison sans être aperçu, et les détours de la rivière du Chacal m'eurent bientôt dérobé à vos regards. Je ne m'étais pas embarqué sans emporter mon compas, afin de ne pas manquer l'heure du retour. Continuant de me diriger vers l'ouest, je ne tardai pas à rencontrer un rivage hérissé de rochers et semé d'écueils à fleurs d'eau. Un peuple innombrable d'oiseaux de mer, qui avaient choisi ces retraites inaccessibles pour y établir leur demeure, remplissait l'air de ces cris discordants. Partout où les rochers se montraient moins abordables, j'apercevais des troupes d'animaux marins paisiblement étendus au soleil ou troublant le silence du rivage par leurs longs mugissements. Il me parut que c'était là le quartier général des veaux marins, car maint endroit du rivage est semé de leurs débris et nous y trouverons une riche collection de crânes et de dents pour notre musée. « Je dois avouer, continua Fritz, que me sentant en humeur fort peu guerrière, je fis tous mes efforts pour ne pas être aperçu au milieu du camp ennemi. Au bout de 2 heures environ, je me trouvai en face d'une magnifique voûte de rochers que la nature, dans un de ses jeux bizarres, semblait avoir voulu construire selon les règles de l'architecture gothique. L'intérieur de la voûte et tous ses alentours offrirent à mes regards une innombrable quantité de nids d'hirondelles de mer dont les habitants se levèrent à mon approche avec des cris menaçants. Mais leur courage ne pouvait lutter contre ma curiosité. Je comptai les nids par milliers. La roche en était tapissée. Ils étaient faits de plumes, de duvets et de filaments de plantes rassemblés sans beaucoup d'art. Je remarquai avec étonnement que chaque nid reposait sur une espèce de coque qui paraissait formée de cire grisâtre. En ayant détaché quelques-uns avec le plus grand soin, je les ai rapportés à Felsenheim, afin de voir avec vous s'il ne serait pas possible d'en tirer parti. Moi, tu as bien fait, mon cher fils, d'épargner ces industrieux animaux. Quant à ton présent, nous aurons de la peine à en trouver l'usage. à moins que nous ne venions à nouer quelques relations commerciales avec la Chine, car ces nids sont un objet de commerce fort estimé parmi les nations maritimes. Fritz, je voudrais savoir où les hirondelles de mer vont chercher la matière gélatineuse qui forme la coque de leur nid. Moi, c'est un point sur lequel les naturalistes ne sont pas d'accord. On a prétendu que cette matière provient de l'écume de la mer, et c'est l'opinion répandue au Tonkin et dans la presqu'île au-delà du Gange, deux contrées qui fournissent au commerce une énorme quantité de nids d'hirondelles. Après cette interruption, Fritz continua son récit en ces termes. Je poursuivis ma route et je ne tardai pas à me trouver dans une baie magnifique et sur la lisière d'une immense savane parsemée de bosquets touffus, bordée à gauche par une chaîne de rochers et à droite par un fleuve majestueux qui l'arrose dans toute sa longueur. Au-delà du fleuve s'étend un vaste marécage bordé d'une belle forêt de cèdres. En ramant le long de ce rivage enchanteur, je remarquai plusieurs îles de coquillages inconnus qui me parurent devoir être rangées dans la classe des huîtres. La limpidité de l'eau me permit de distinguer les touffes de filaments qui attachaient les coquillages aux parois du rocher. J'admirai la taille de ces huîtres monstrueuses, dont une seule eût suffi au repas de deux hommes ordinaires. Après en avoir détaché quelques-unes avec mon harpon, je continuai ma route, décidé à descendre à terre pour y prendre quelque nourriture. En ouvrant un de mes coquillages, je sentis la lame de mon couteau arrêtée par un corps dur, dont elle vainquit enfin la résistance, et je ne tardai pas à voir tomber sur le sable deux ou trois perles d'une rondeur et d'une grosseur qui excitèrent mon admiration. Cette découverte inattendue me combla de joie, et vous pensez bien que je ne manquai pas de passer en revue tous les petits coquillages dont je m'étais emparé. Voici ma provision de perles que je soumets humblement à l'examen des connaisseurs. « Tu viens de faire aujourd'hui une précieuse découverte, » dis-je à Fritz avec joie, « et qui nous vaudra peut-être plus tard la reconnaissance d'une grande nation. Mais pour le moment, tes perles nous sont aussi inutiles que tes nids d'hirondelles. Toutefois, nous ne manquerons pas de rendre visite à la précieuse mine qui fournit de pareils échantillons. Maintenant, achève ton récit. » Fritz, lorsque j'eus ranimé mes forces par un frugal repas, je continuai ma route le long de ce délicieux rivage jusqu'à l'embouchure du fleuve que j'avais observé. Son courant est un peu rapide et ses rives couvertes d'un rempart de plantes marines qui présentent l'aspect d'un gazon verdoyant. Ses bords sont peuplés d'une innombrable quantité d'oiseaux aquatiques qui prirent la fuite à mon approche. Me souvenant d'avoir lu quelque chose d'analogue sur le fleuve Saint-Jean dans la Floride, je pris plaisir à baptiser ma nouvelle découverte du nom de rivière Saint-Jean. Après avoir renouvelé ma provision d'eau à ses sources bienfaisantes, je résolus d'achever le tour de la grande baie, à laquelle je donnai le nom de baie des Perles. Elle peut avoir 2 lieues de largeur en ligne droite. Une chaîne de rochers qui court d'une extrémité à l'autre la sépare de la pleine mer, à l'exception du passage assez large pour donner accès aux plus gros bâtiments. Cette magnifique baie ne pourrait manquer de devenir port du premier ordre le jour où il s'élèverait une ville sur ses bords. J'essayai de sortir par le passage que je venais de découvrir, mais la violence des flots me contraignit de renoncer à ce projet. Il me fallut donc regagner la pointe occidentale de la baie, où je ne tardai pas à me trouver au milieu d'une colonie d'animaux marins qui me parurent de la grosseur d'un chien de mer ordinaire. Après avoir observé quelque temps leur jeu sans être aperçu, j'éprouvai le désir de m'emparer de l'un d'entre eux afin de l'étudier plus à mon aise. Comme je me trouvais à une trop grande distance pour hasarder une attaque dont les suites eussent pu devenir fâcheuses, j'attachai mon esquive derrière une pointe de rocher, et m'armant d'un fusil, je lâchai mon aigle sur la proie que je convoitais. L'oiseau s'éleva majestueusement dans les airs et vint s'abattre sur un des plus beaux animaux de la troupe. J'arrivai à temps sur le champ de bataille pour achever l'animal d'un coup de hache. Le reste de la troupe avait disparu comme par enchantement. Ici, le conteur fut interrompu par un concert de voix curieuses, au milieu desquelles on distinguait les questions suivantes. « Dites-nous donc quel était cet animal? Est-ce un chien de mer? Nous l'as-tu rapporté? » « Fritz, comment pouvez-vous le demander? Je l'ai amené à la remorque, attaché à l'arrière de mon kayak, et il a parfaitement supporté le voyage. » « Ernest, oui vraiment, et je remarque que tu l'as soufflé à la manière des Groenlandais. Quant à l'espèce de l'animal, il me semble le reconnaître pour une loutre de mer, si les descriptions que j'en ai lues sont exactes. Moi. Dans ce cas, ce serait une précieuse capture, et nous aurions là un excellent article de commerce pour les bâtiments chinois, car les mandarins paient cher cette espèce de fourrure. Ma femme. Oui, les hommes prisent toujours le superflu, bien au-dessus du nécessaire. Moi. Raconte-nous donc comment tu t'y es pris pour ramener ta capture avec tant de succès, car ton bâtiment est bien faible pour un tel fardeau. Fritz. Il m'en a coûté assez de peine et de travail, et je voulais d'abord le laisser là. Mais le procédé des pêcheurs groenlandais me revint à temps à la mémoire, et en dépit de ma maladresse, il finit par avoir un plein succès. Mon travail fut interrompu par la foule des oiseaux de mer qui venaient voler autour de moi en effleurant mon visage de leurs ailes bruyantes. Fatigué de cette attaque d'un nouveau genre, je finis par saisir la hache de la chaloupe, et frappant au hasard au-dessus de ma tête, je vis tomber à mes pieds un albatros. Ses plus belles plumes me servirent pour achever mon opération, et bientôt la loutre fut en état de surnager à la surface de l'eau. Il était temps alors de songer au retour. Mon kayak fut donc remis à la mer, traînant à sa suite ma précieuse capture, et après m'être heureusement tiré des dangereux passages qui entravaient la marche de mon esquif, je ne tardai pas à me trouver dans des parages bien connus. Bientôt notre pavillon m'apparut dans l'éloignement, et peu de minutes après, le bruit du canon d'alarme vint m'annoncer votre voisinage. Tel fut le récit de Fritz. Aussitôt qu'il eut cessé de parler, la foule des auditeurs se précipita avec un tel enthousiasme vers les riches trésors dont il venait d'enrichir la colonie, que la bonne mère elle-même ne put résister à l'entraînement général. L'entretien recommença à rouler sur les perles, et Franz me demanda si toutes les perles ont le même éclat et le même prix. Moi. Non, sans doute. On a remarqué que la pureté des perles varie en raison du fond qu'habitent les couches d'huîtres. Dans les fonds marécageux, elles sont troubles et sans éclat. Dans les fonds de sable, au contraire, elles sont blanches et transparentes. Fritz. En définitive, que sait-on sur la formation des perles? Moi. Il résulte des informations des naturalistes que les perles se trouvent généralement dans les huîtres dont la coquille a été percée par le petit animal de mer appelé phacas. Selon l'opinion générale, la perle serait formée d'une matière calcaire que distille l'huître et qu'elle emploie à boucher la légère ouverture percée par son ennemi. Franz. Les huîtres à perles sont-elles toujours faciles à découvrir? Moi. Non, sans doute, mon cher enfant. Elles se trouvent souvent à une profondeur de 60 pieds et davantage. La plupart du temps, l'huître est fortement attachée au rocher. Des pêcheurs exercés depuis l'enfance vont les détacher à l'aide d'un instrument tranchant et les jettent à mesure au fond d'un grand sac qu'ils remontent à la surface de l'eau lorsqu'il est rempli. Mais malgré tous les soins, la pêche des perles est pénible et dangereuse. Il n'est pas rare de voir les plongeurs, à la fin de la journée, rendre le sang par le nez ou par les oreilles. Les enfants ne manquèrent pas de me faire observer que nous pouvions commencer immédiatement la pêche des perles dans la grande baie, où elles ne présentaient ni fatigue ni danger, et je cédai sans peine à leurs désirs. Toute la famille fut bientôt occupée des préparatifs de cette importante expédition, et j'eus la satisfaction de voir, devant moi, un attirail de pêche aussi complet que pouvait le permettre la faiblesse de nos ressources. Les munitions de bouche n'avaient pas été oubliées. Une bonne provision de pemmican frais, de pain de cassave, d'amandes et de pistaches composait le fond de notre cuisine de voyage, et un petit tonneau d'hydromel devait nous fournir une agréable boisson. Chapitre 22. Les nids d'hirondelles, les perles fausses, la pêche des perles, le sanglier d'Afrique, danger de Jack, la truffe. Le premier jour où le ciel et la mer me parurent favorables à nos projets, nous nous mîmes en route pour notre grande expédition, accompagnés des vœux de la bonne mère qui demeurait avec Franz à la garde du logis. Notre escorte se composait de Knips, du Chacal et de nos deux fidèles compagnons, Falb et Brown, que j'avais coutume de comparer aux chiens que le roi Porus envoya jadis à Alexandre et dont l'histoire rapporte qu'il n'aurait pas refusé le combat contre un lion ou un éléphant. Fritz nous servit de pilote. Placé à côté de Jack dans son léger esquif, il s'était chargé de guider notre marche incertaine au milieu des rochers de la côte. Je suivais le kayak avec la pinasse, en ayant soin de ne déployer ma voile qu'à demi, jusqu'à notre arrivée dans des parages plus tranquilles. À chaque instant, les rochers offraient à nos regards de nombreux débris de veaux marins, trésors précieux pour notre muséum. Mais ne voulant pas perdre une minute, je décidai qu'on négligerait pour le moment cette riche collection. Dans les paisibles parages où notre flotte venait de parvenir, la mer avait la transparence d'un miroir, et les nautiles se livraient sans défiance à leurs jeux innocents sur la surface des flots que ridait à peine une légère brise. Après s'être amusé quelque temps des gracieuses manœuvres de ces légers habitants de l'onde, l'équipage du kayak résolut de leur faire la chasse, et bientôt la chaloupe reçut une collection de ces délicates créatures. Il fut décrété à l'unanimité que cet endroit du rivage porterait désormais le nom de baie des Nautiles. Nous ne tardâmes pas à rencontrer un promontoire en forme de cône tronqué qui reçut le nom du cap Camus. De son extrémité occidentale, on apercevait dans l'éloignement un second cap, derrière lequel se trouvait la baie des Perles selon le récit de notre pilote. Plus nous approchions de la grande voûte découverte par Fritz dans sa dernière expédition, plus nos regards étaient frappés de sa masse imposante. On l'eût dite formée par les Titans, avec les débris des montagnes dont ils avaient voulu se servir pour escalader le ciel. Une innombrable armée d'hirondelles de mer sortit à notre approche des profondeurs de la caverne. Mais rassurés par notre immobilité, ces innocents hôtes du rocher ne tardèrent pas à disparaître de nouveau dans leurs obscures retraites. Lorsque la chaloupe eut atteint l'entrée de la voûte, la curiosité fit place à une insatiable avidité, malheureusement trop facile à satisfaire. Tous les instruments disponibles furent mis en œuvre, et les nids tombaient par douzaines sous nos mains impitoyables. Toutefois, nous choisissions de préférence les nids abandonnés, afin d'épargner les œufs et les petits de nos innocents ennemis. Fritz et Jack se montraient les plus actifs dans ce nouveau genre de pillage, et leur filet ne désemplissait pas. Ernest et moi, nous procédions avec plus de méthode, nous attachant aux nids placés dans les régions inférieures du rocher, et n'abandonnant chaque pièce de notre butin qu'après l'avoir nettoyée aussi parfaitement que le temps le permettait. Au bout de quelques minutes, la provision me sembla suffisante, et désireux d'arracher mes enfants à cette œuvre de destruction, je donnai l'ordre aux deux équipages de se préparer à traverser la grande voûte. Nous éprouvâmes un mouvement de légère inquiétude causé par l'obscurité du passage souterrain, où le cri des hirondelles, répété par les échos de la voûte, retentissait avec un bruit sinistre, mais notre guide nous tranquillisa en m'assurant que le passage était sans danger. « Mais, s'écria tout à coup Ernest, n'est-il pas bien plaisant de nous voir ici nous donner tant de peines inutiles, sans savoir si jamais il abordera un navire sur ces côtes inhospitalières ?»« Moi, l'espérance, mon cher enfant, est un des plus grands biens de la pauvre humanité. C'est la fille du courage et de l'activité, car l'homme courageux ne désespère jamais, et celui qui espère travaille sans relâche à l'accomplissement de son désir. » Laissons à la philosophie des esprits faibles les impuissantes dissertations sur l'incertitude des entreprises humaines et sur la vanité des espérances des aveugles mortels. Toutefois, il est temps de mettre un terme à nos déprédations d'aujourd'hui, de peur que notre philosophe ne nous compare avec mépris à ces vils oiseaux de proie qui s'emparent de tout ce qui tombe sous leurs serres, sans savoir s'ils tireront quelque avantage du fruit de leur capture. En achevant ces mots, je pressai les préparatifs du départ avec d'autant plus d'ardeur que la marée commençait à monter et qu'elle devait nous être d'un grand secours pour traverser le canal souterrain. En effet, elle ne tarda pas à nous emporter avec une telle rapidité que le travail des rames devenant inutile, nous pûmes contempler à loisir la majesté du spectacle qui frappait nos regards. À chaque pas, nous apercevions d'immenses cavernes dont l'obscurité nous dérobait l'étendue, mais qui devait pénétrer au loin dans les flancs profonds de la montagne. On eût dit que le grand architecte de la nature avait jeté dans ce lieu les fondements d'un temple gigantesque que sa main puissante dédaignait d'achever. Les animaux marins s'étaient emparés de ces immenses galeries, où à chaque pas se présentaient à nos regards quelques traces nouvelles de leurs étranges habitants. Parmi les nombreuses espèces de poissons dont la grotte était peuplée, je reconnus la blette, dont l'écaille brillante sert à la confection des perles fausses. C'est pourquoi l'on fait des pêches considérables de ce poisson dans la Méditerranée. Tout mon petit monde savait fort peu de choses sur les perles fausses. Il fallut lui donner quelques explications à cet égard pour compléter mon cours d'histoire naturelle. « Les perles fausses, dis-je alors, sont d'un grand usage dans le commerce. On se sert de petits globules de verre revêtus d'un vernis formé avec l'écaille de la blette. Ces perles sont régulières, d'une assez belle eau et assez estimée. » Ernest, « En ce cas, pourquoi se donner tant de peine pour la pêche des perles fines ?» Jack, « Belle demande, parce que ces dernières seules ont réellement du prix. » Fritz, « Bien répondu. Mais maintenant, il s'agirait de savoir pourquoi on attache tant de prix aux perles fines, si les perles fausses sont aussi belles. » Moi, c'est que parmi les hommes, le prix des choses est bien souvent en raison des peines et des dangers qu'elles coûtent. Tout en nous entretenant ainsi, nous avions heureusement traversé le dangereux canal et nous nous trouvions maintenant dans une des plus belles baies que la nature ait pris plaisir à former. Le rivage présentait, d'espace en espace, de petites criques plus ou moins profondes où venaient se perdre de limpides ruisseaux qui donnaient à toute la contrée un aspect riant et fertile. Presque au milieu de la baie se trouvait l'embouchure du fleuve Saint-Jean, dont Fritz ne nous avait pas exagéré la grandeur et la majesté. Je me trouvai avec plaisir dans ces eaux profondes, et nous allâmes jeter l'ancre auprès des riants bosquets du rivage, dont la riche verdure enchantait nos regards. Une anse commode et voisine du banc d'huîtres où Fritz avait fait sa pêche fut choisie pour le lieu du débarquement. Un ruisseau limpide semblait nous inviter à venir profiter de la fraîcheur de ses bords. Nos pauvres chiens, qui manquaient d'eau douce depuis plusieurs heures, n'eurent pas plutôt entendu le murmure du ruisseau que, sautant par-dessus les bords de la chaloupe, ils s'élancèrent à la nage vers la source tant désirée. Nous ne tardâmes pas à suivre l'exemple de nos intelligents animaux, et après avoir attaché notre esquif au rivage, nous nous trouvâmes bientôt réunis autour de la source bienfaisante. Le jour étant sur son déclin, nous commençâmes par faire les préparatifs du souper, qui devait se composer d'une soupe de pemmican, d'un bon plat de pommes de terre et d'une provision de biscuits de maïs. Après avoir assemblé du bois sec pour le foyer, nous fîmes nos arrangements pour la nuit. Les chiens se couchèrent sur le sable autour du feu et nous nous retirâmes dans la chaloupe, placée à l'ancre à quelque distance du rivage. J'avais pensé qu'à tout événement, nous avions peu à redouter une attaque par mer. Toutefois, par surcroît de précaution, j'attachai maître Knips au grand mât, me fiant à sa vigilance. Lorsque tout fut achevé, nous nous étendîmes au fond du bâtiment, sur nos lits de peau d'ours, et chacun s'endormit d'un sommeil paisible, quoique interrompu de temps en temps par les hurlements des chacals et la voix menaçante de Jäger. Au point du jour, tout le monde était sur pied, et la chaloupe prit joyeusement le chemin du grand banc d'huîtres, où elle fit en peu de temps une pêche abondante. Cet heureux succès nous engagea à continuer l'opération pendant les 2 jours suivants, et bientôt un énorme amas d'huîtres, élevé sur le sable, va reposer nos regards satisfaits. Tous les soirs, environ 1 heure avant le coucher du soleil, j'avais coutume de commander une expédition le long du rivage, et il ne se passait pas de soirée que la chaloupe ne revînt avec quelques bel oiseaux, le plus souvent d'une espèce inconnue. Le dernier jour de notre pêche, il nous prit la fantaisie de nous avancer un peu plus avant que de coutume dans la forêt voisine du rivage. Cette fois, Ernest nous précédait avec le vigilant Falbe, et Jack le suivait de loin à travers les hautes herbes du rivage, tandis que Fritz et moi nous étions arrêtés à quelques préparatifs indispensables. Je me préparais à suivre les chasseurs lorsque tout à coup une détonation suivie d'un cri d'alarme retentit à mes oreilles, et nos 2 chiens s'élancèrent avec la rapidité de l'éclair dans la direction du coup de fusil. « Aux armes !» s'écria Fritz, et en moins d'un instant il était sur la trace des chiens avec son aigle, qu'il déchaperonna sans s'arrêter. Le bruit d'un coup de pistolet et un long cri de triomphe m'apprirent en même temps la fin du combat et la victoire de nos gens. J'accourais avec inquiétude sur le champ de bataille lorsque j'aperçus à quelque distance au milieu des arbres le pauvre Jack qui s'avançait vers moi, soutenu par ses 2 frères. « Dieu soit loué ! M'écriai-je. le malheur que je craignais n'est pas arrivé. Je rebroussai chemin aussitôt, en faisant signe à mes enfants de me suivre vers notre campement du rivage, qui se composait de deux bancs et d'une mauvaise table. Cependant, le pauvre Jack faisait d'horribles contorsions, se plaignant de violentes douleurs par tout le corps et criant d'une voix lamentable « Je suis brisé, anéanti, je n'ai pas un membre entier. » Je m'empressai de faire déshabiller le patient, et une visite minutieuse ne tarda pas à me donner l'assurance qu'il n'y avait ni fracture ni luxation. La respiration était libre, et tout le mal se bornait à de fortes contusions, de sorte que je ne pus m'empêcher de m'écrier. On a bien de quoi se lamenter, en vérité. Un vrai chasseur n'y ferait pas même attention. Jack, grand merci. Il n'en est pas moins vrai que je suis rompu. Ce maudit animal m'aurait fait sortir l'âme du corps sans le secours inespéré de Fritz et de son vaillant oiseau. Moi, nous diras-tu enfin quel est l'animal qui a si outrageusement maltraité notre vaillant chasseur ? Jack, je vous réponds que son crâne et ses défenses feront merveille dans notre muséum. J'en frissonnerais encore si, après tout, le meilleur parti n'était pas d'en rire, puisque le mal est passé. Moi, saurais-je enfin de quoi il s'agit ? Ernest, d'un énorme sanglier, et je vous réponds que c'était un terrible spectacle que de le voir accourir, les soies hérissées et labourant la terre de ses formidables défenses. Moi, rendons grâce à Dieu qui nous a délivrés d'un si terrible ennemi. Maintenant, laissez-moi m'occuper du blessé, qui doit avoir besoin de repos et de rafraîchissement. À ces mots, je fis avaler au pauvre Jack un verre de vin des Canaries de la fabrique de Felsenheim, et nous le couchâmes mollement au fond de la chaloupe, où il ne tarda pas à s'endormir d'un sommeil profond. « Maintenant, dis-je à Ernest, donne-moi quelques détails sur l'histoire du sanglier, qui jusqu'à présent est demeuré une énigme pour moi. » Ernest, je marchais tranquillement dans la forêt, lorsque Falbe me quitta avec un hurlement furieux pour s'élancer sur les traces d'un animal sauvage que le taillis dérobait encore à mes regards. Au même instant, le chien de Jack était accouru à l'aide de son frère, et les deux animaux assiégeaient la forteresse de leur redoutable ennemi. Je m'avançai avec précaution jusqu'à portée de fusil de l'animal, lorsqu'une imprudente attaque de Jäger déconcerta tous mes projets. Le sanglier, furieux, quittant sa retraite, se dirigea sur le pauvre Jack qui ne trouva rien de mieux à faire que de prendre la fuite. Je lâchai mon coup à l'instant, mais la balle, effleurant l'animal, ne fit que hâter sa course furieuse. Bientôt le pauvre Jack, ayant heurté une souche dans sa course précipitée, allait se trouver à la merci de son impitoyable ennemi, si les deux chiens, arrivés au même instant, n'eussent attiré sur eux tout le courroux du terrible animal. Le pauvre Jack en fut quitte pour quelques contusions, et ma seconde balle allait mettre fin au combat lorsque l'aigle de Fritz, descendant du haut désert aussi à propos que le corbeau de Manlius Corvinus, vint s'abattre sur la tête du sanglier, de manière que son maître eut le temps d'approcher et de lui décharger son pistolet entre les deux yeux. En jetant un coup d'œil sur la tanière du sanglier, je ne fus pas peu étonné de voir Knips et Jäger se régalant des restes de son repas. Je reconnus, en approchant, une espèce de tubercule assez semblable à la pomme de terre, dont j'ai rapporté une demi-douzaine dans ma gypsière, afin de vous les faire examiner. Moi, voyons un peu. Si mes yeux et mon odorat ne me trompent pas, tu as fait là une découverte intéressante pour notre cuisine. Ce tubercule est une véritable truffe, de l'espèce la plus savoureuse. Fritz, suivant mon exemple, goûta la nouvelle production en faisant observer, avec plaisir, que son parfum était bien différent de celui de la pomme de terre, quoiqu'il y eût grande analogie entre les deux fruits. Il me demanda ensuite où l'on trouve les meilleures truffes, et si c'est un fruit originaire de nos climats européens. Moi, la truffe est un fruit très commun en Europe. L'Italie, la France et l'Allemagne en fournissent d'abondantes récoltes. On en trouve communément dans les forêts de chênes ou de hêtres. La chasse aux truffes se fait sans poudre ni plomb. Il suffit d'une pioche pour les déterrer, et d'un cochon pour les découvrir. L'Italie et plusieurs autres contrées possèdent une espèce de chien dont le nez est assez fin pour découvrir la truffe et en indiquer la place au chasseur. Fritz, la truffe n'a-t-elle ni tige ni feuilles extérieures qui puissent indiquer sa présence et remplacer l'instinct des animaux ? Moi, non, mon enfant, elle ne se trahit que par son parfum, et l'on ne saurait dire, à proprement parler, si c'est une racine, un tubercule ou un fruit, car son mode de propagation est un mystère pour les naturalistes. Du reste, on les trouve de toutes les grosseurs, depuis le pois jusqu'à la pomme de terre. Ernest, reconnaît-on plusieurs espèces de truffes, et l'histoire naturelle les range-t-elle au nombre des plantes, bien qu'elles n'aient ni feuilles ni racines? Moi, la truffe est rangée communément dans la classe des champignons, quoiqu'elle en diffère sous bien des rapports, mais je ne saurais dire s'il en existe de plusieurs espèces. Cet entretien nous avait menés jusqu'à l'heure du souper, et nous ne tardâmes pas à nous occuper des préparatifs nécessaires pour la nuit. Le feu de veille fut allumé selon l'habitude, et chacun se retira dans la chaloupe, où nous passâmes une nuit aussi paisible que dans les murs de Felsenheim.